dans la maison. Que tu occupes habituellement. Je t'ai cherché ce matin. Tu n'y étais pas. Mais cette odeur me chatouillait les narines. C'était l'odeur de tes chaussettes. Qui est pure. Et demain, ta maison. Oh non, t'es pas égoïste. Sur le fil à linge, tu as suspendu gaiement tes chaussettes. Qui puent. Te vexe pas. J'aime bien hein, quand ça pue. Et je suis rentrée chez moi. Ce matin. Toujours cette odeur. Comme odeur animale qui me suivait. Qui m'imprégnait. Et j'ai découvert dans mon frigidaire. Ah non. Non, non, c'est pas ça. Non, mais... Ah non, mais tu devineras pas. Ah non, tu devineras pas. Il y avait... Et dans mon frigidaire. Ah non, c'est pas ça. Ah non, je t'avais dit. Yeah. l'air. Il me regarde et il pue encore plus que toi.